Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, autrefois Radio Trait d'Union. Et ça fait 40 ans. Voilà, ça fait 40 ans qu'elle existe. Notre radio, votre radio, puisque c'est une radio qui appartient à tous ceux qui veulent bien. Bien, ce soir, au programme, le calendrier, évidemment, le calendrier des esclavages et des libérations. La décroissance, un mot mal choisi, c'est un commentaire de Clément Viktorovitch. Et puis Jean-Luc Mélenchon, 18 euros pour aller aux urgences, ouais, il dit ce qu'il en pense de ce choix. Ensuite, Martin Desrumaux n'est pas très célèbre, ce n'est pas normal, c'est dommage, et voilà, on va savoir un peu plus, hein. À son propos, et puis Camus, l'icône de la révolte, Albert Camus, hein, donc Albert Camus, Pierre Garnaudier, CGT, manif du 7-12-22, manif du 7 décembre 2022, de 7 février 22, précaires et chômeurs, Ensuite, Leni Escudero, Vivre pour des idées. Hein, c'est une chanson de Leni Escudero, qui est assez connue quand même. Hein. Mais elle n'est pas chante en anglais, elle chante en français. Hein. Ah oui. Ainsi que François Béranger, L'état de merde, c'est chanté en français aussi. Daniel Guichard, Mon vieux, chanté en français. Charles Trenet, Douce France, encore une chanson dont les paroles sont en français. Eh oui. Ah oui, on arrive à trouver des chansons dont les paroles sont en français. Oui. Ah ben oui. La France n'est pas tout à fait colonisée, n'est pas tout à fait abétie. On est sur la bonne voie, hein, ça, de ce côté-là, mais rien n'est fait encore. Voilà. Hein, c'est pas irréparable. On peut encore réagir. Oui. Comme réagir contre les Macron, contre le chômage, hein, parce qu'on a quand même un pays qui a 6 millions de chômeurs, hein, n'oublions pas. Alors un pays qui avait eu 6 millions de chômeurs, ça avait déjà existé dans le passé. Vous voyez, c'était l'Allemagne en 1932. Vous avez vu comment ils ont voté les Allemands en 1932 et en 1933? Ah ben oui, ça nous a fait une deuxième guerre mondiale. Voilà. Alors les gouvernants, ils feraient bien d'être un peu plus prudents. Avec leur santé, leur vie, leur avenir, mais bon, ça, c'est les regards, après tout, hein, c'est. Mais ils devraient pas jouer avec la vie des autres. Hein. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc. Mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage, non. Non. Quand de lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 10 janvier? Eh bien, par exemple, le 10 janvier 1826, en Russie, le régiment de Tchernigov, en Ukraine, se révolte à l'instigation des décembristes. 1870, France, dans un climat social très tendu, le prince Pierre Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III, assassine d'un coup de revolver le journaliste républicain Victor Noir. Ses obsèques à Neuilly, le 12 janvier, seront suivies par 100 000 personnes hostiles à l'Empire. Alors, si vous voyez la tombe de Victor Noir, vous verrez un homme couché à terre et en bronze. Et il y a une partie qui est moins oxydée que le reste, hein, qui est astiquée, brillante de la sculpture. Ouais, c'est une curiosité. 1905, France, mort de Louise Michel, la Vierge Rouge. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, la Vierge Rouge. 1907, Mexique, le travail reprend dans les usines textiles de Rio Bianco. Mais n'y retournent que ceux qui n'ont pas été victimes de la répression et les moins engagés. Sur les 7083 ouvriers de la vallée, 5512 seulement se présentent aux portes des usines. 1571 manquent à l'appel. 1919, Allemagne. Début de la République des conseils de Brême. Quel dommage que cette République des conseils n'ait pas duré, hein. Eh oui, parce que ça aurait permis d'empêcher les nazis d'arriver au pouvoir quelques années plus tard. Eh oui, mais voilà. Nos gouvernements n'ont pas été capables de comprendre l'intérêt que représentait la République des conseils de Brême. Ils ont été incapables d'aider une République dans un pays qui ne demandait qu'à tomber dans le fascisme. Enfin, qui ne demandait qu'à. Qui avait toutes les chances d'eux, toutes les malchances de tomber dans le fascisme. 1920, mais c'est pas le seul pays qui est dans ce cas-là. Hein, oui, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., sont tombés chacun à leur tour dans une certaine forme de fascisme. La France aussi en 1940 avec le maréchal Pétain. Oui. Allemagne. Donc 1920, date officielle de la naissance de la Société des Nations. Alors la Société des Nations, ben c'est ce qui a précédé l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, qui, lorsqu'on la laisse agir, cette organisation peut être très efficace pour la paix du monde, pour le bien-être des humains. Mais on ne la laisse pas toujours agir. Certains États jouent contre l'ONU. Bon, l'OTAN, par exemple, a été inventée en partie contre l'ONU. Ouais, c'est malheureux, c'est triste, c'est moche, c'est archi moche, mais c'est comme ça. 1920, date officielle de la naissance de la Société des Nations. 1928, URSS. Trotsky et 30 membres de l'opposition sont expulsés de Moscou. Trotsky est banni à Vierny. 1936, France. Le programme de revendication du Front Populaire est publié. 1975, Canada, les ouvriers du magasin Woolworths à Chicoutimi, au Québec, c'est-à-dire entrent en grève suite à la suspension par l'employeur de deux membres du syndicat. Excusez-moi, attends, on éternue. Hein. 1976, Amérique latine, troisième session du tribunal Bertrand Russell, consacrée aux violations des droits de l'homme en Amérique latine. Les gouvernements de 11 pays sont condamnés pour violations graves, systématiques et répétées des droits de l'homme, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Guatemala, Haïti, Nicaragua, le Paraguay, la République dominicaine et l'Uruguay. Et qui donc a pu donner l'idée de faire ça, de réagir de cette façon-là? Qui a pu pousser ces pays-là à réagir de cette manière-là? Hein? Qui donc? 1978, Nicaragua. Assassinat de Pedro Joaquín Chamorro, directeur du journal La Prensa et leader de l'opposition à la dictature de Somoza. La lutte s'engage pour que la lumière soit faite sur ce crime. C'est le commencement de la fin de la dictature. 1981, Salvador, la loi martiale est décrétée. Les troupes recevront l'ordre de tuer quiconque ne respecte pas le couvre-feu.

la décroissance. La décroissance, en effet. Ce concept est au cœur du programme défendu par Delphine Bateau, la présidente de Génération Écologie. Et vous allez voir qu'elle n'a pas ménagé sa peine pour nous le faire entrer dans les oreilles. La décroissance, le chemin que je propose, la décroissance, l'obsession de la croissance économique, un nouvel horizon pour la France, celui de la décroissance. Bon alors, en rhétorique, c'est ce que l'on appelle une stratégie du martèlement. On répète ad nauseam une même expression jusqu'à être sûr que tous les auditeurs et toutes les auditrices l'aient bien retenu. C'est le principe même d'un slogan de campagne. Ouais, sauf que là, ça va un petit peu plus loin qu'un slogan. Il y a tout un modèle économique derrière ce terme. Et oui, en effet, tout part d'un texte célèbre, le rapport Meadows, publié en 1972 par le Club de Rome et qui s'intitule « Les limites de la croissance ». Il fait un constat simple. Si les sociétés humaines continuent à rechercher une croissance infinie dans un monde fini, elles courent à leur perte. 50 ans plus tard, la décroissance est devenue une véritable théorie philosophique et économique. Ses défenseurs vont même un cran plus loin. Ils estiment que, dans les économies développées, l'augmentation du PIB ne permet plus d'augmenter le bien-être des populations. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le consumérisme, le productivisme, la malbouffe, les délocalisations, les licenciements ? C'est l'obsession pour la croissance économique. Et voilà donc, selon Delphine Bateau, la clé de la décroissance. Puisqu'il va de toute façon falloir réduire notre bilan carbone, la France s'y est engagée, et puisque l'augmentation du PIB irait de pair avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, alors autant en profiter pour cesser de produire plus de richesses et chercher plutôt à mieux répartir celles que l'on produit déjà. La pleine santé, la lutte contre la pauvreté, le niveau d'éducation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la régénération de la biodiversité. C'est ça, en fait, une politique de décroissance et elle améliore le bien-être humain. Selon ses défenseurs, on le voit, la décroissance, ce serait donc produire moins, mais vivre mieux. Viser la prospérité sans la croissance, c'est justement le titre d'un livre fondateur publié par l'économiste Tim Jackson en 2009. Après, bien sûr, est-ce souhaitable ? Est-ce possible ? Chacun se fera sa propre opinion. Oui, mais pourtant Clément, on a l'impression que l'idée ne prend pas, hein, qu'elle fait peur. D'un point de vue purement politique, convaincre les Français de décroître, ça paraît quand même très difficile. Eh oui, c'est possible que ce soit presque du suicide politique. Après tout, cela fait des décennies que les responsables expliquent que la croissance est la clé pour créer des emplois et augmenter le niveau de vie. À tort ou à raison, hein, là encore. En termes de stratégie politique, prôner la décroissance, ça revient à ramer contre le courant. Et surtout, le terme évoque spontanément des connotations négatives. Décroissance, on imagine devoir vivre sans avion, sans téléphone, sans internet, bref, sans plaisir ni bien-être. D'autant qu'en face, d'autres écologistes utilisent des termes beaucoup plus attrayants, si je puis dire, non ? La croissance verte, le développement durable. C'est un gros clivage entre écologistes, en effet. Certains estiment, contrairement à Delphine Bateau, qu'il est possible de concilier croissance du PIB et réduction du CO2, c'est ce que l'on appelle le découplage, et ils le font avec des concepts qui, effectivement, résonnent de manière très positive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une épine supplémentaire dans le pied de la décroissance ? Oui, c'est ça. Et le pire, c'est qu'il existait des termes beaucoup plus attrayants pour qualifier cette idée. Certains économistes parlent par exemple plutôt de post-croissance. Il aurait aussi été possible, je ne sais pas, d'articuler une expression autour des termes de sobriété et de prospérité. Mais revendiquer la décroissance dans le cadre d'une élection présidentielle très grand public où il va falloir parler à tout le monde, ce n'était sans doute pas l'option la plus facile. En rhétorique, les mots comptent autant que les choses. C'est une règle que pourrait méditer Delphine Bateau. Merci Clément. Clément Viktorovitch, entre les lignes. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je me présente à cet instant sur un seul et unique thème, en opposition à la création du forfait patient urgence. Je ne sais pas si tous les collègues ont bien remarqué cette nouveauté, mais je voudrais ici dire à quel point elle nous choque et combien nous la condamnons. Désormais, tous les patients devront payer un forfait de 18 euros pour leur passage aux urgences, forfait réduit parfois à 8 euros, y compris les personnes invalides, les cancéreux, les diabétiques, les malades du sida, les personnes épileptiques, les femmes enceintes. Heureusement, il y a un amendement du rapporteur pour les retirer de cette liste. Les seules exceptions sont les malades du Covid-19 et les victimes du terrorisme. Tout le monde devra payer 18 euros dans le cas où il serait établi que la présence de ces personnes aux urgences ne nécessiterait pas ensuite le passage en hospitalisation. Ça vaut la peine de se demander pourquoi une décision pareille est prise, on le devine, pour désengorger, dit-on, les urgences. Mais pourquoi va-t-on aux urgences ? Par plaisir, parce qu'on se plaint d'un bobo. Tous les Français savent que passer aux urgences est attendre un temps interminable dans des conditions qui sont tout à fait démoralisantes. Pourquoi y vont-ils ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas capables, comme tout le monde le comprend, d'évaluer la gravité de ce qu'ils ressentent. C'est pour ça qu'ils vont là, pour qu'on le leur dise. Et les gens se rendent aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de médecins. 20% des Français disent s'être déjà rendus aux urgences dans les deux dernières années par manque de disponibilité d'un médecin de ville. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Ils vont donc au seul endroit où on pourra le faire. 3 800 000 Français vivent dans un désert médical. Il faut en moyenne 6 jours pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste, 22 jours pour un pédiatre, 28 jours pour un dentiste, 80 jours pour un ophtalmo. Par conséquent, ce forfait sera d'abord une punition pour les pauvres gens et les périphéries les plus touchées par le manque de médecins. Et que se passera-t-il ? Dès lors qu'ils sauront que ça coûte 18 euros, ils n'iront pas. C'est-à-dire que, le cas échéant, leur état s'aggravera, ou bien que leur situation qui aurait nécessité une hospitalisation, comme ils n'avaient pas la certitude qu'ils l'auraient, ils n'iront pas, et donc leur situation s'aggravera. D'ores et déjà, 45% des Français a déjà renoncé à aller chez le médecin parce que c'est trop cher. 3 millions de Français n'ont pas de mutuelle et donc pas de prise en charge possible du forfait hôpital. Les soins seront donc repoussés jusqu'à aggravation et donc

même quand on a juste 15 ans. On n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Elle parle d'une manière compréhensible et en même temps d'une manière qui semble capable d'entraîner, quoi. Elle a une force d'entraînement que d'autres militantes issues aussi du monde ouvrier n'ont pas exactement. Pour reprendre un terme de la police et des renseignements généraux quand il s'agit des hommes, on l'emploie pas pour les femmes, elle est une meneuse. En cette même année 1917, dans l'Empire russe, le tsar Nicolas II doit abdiquer sous la pression des révoltes populaires. En octobre, les communistes et leur leader Lénine prennent le pouvoir avec trois idées fortes. Le contrôle des ouvriers sur les usines, le partage des terres, la paix immédiate avec l'Allemagne. La révolution russe va entraîner de nombreux bouleversements au sein du mouvement ouvrier. En 1921 est créé le Parti communiste français. Ses partisans sont exclus de la CGT et créent la CGTU. Martha est de cela. La révolution russe, elle donne crédit à un imaginaire de la révolution. C'est aussi l'idée que les ouvriers sont capables de gérer et de diriger un État, quoi. Le Nord est dévasté par la guerre. La région a perdu près de 10% de sa population. Les villes sont en ruine. La terre, polluée par les gaz, est jonchée de cadavres. Quand Martha rentre à Comines en 1921, elle reprend son poste aux usines Hasbrouck, qui ont été hâtivement reconstruites. À la filature, on pataugeait toujours dans les flaques de cette huile qui giclait sur nous toute la journée. On a réclamé pour avoir des tabliers de toile cirée et des sabots. Les copines, elles disaient, ils vont jamais nous donner ça. Ben, j'ai dit, on va lutter, on va l'avoir, et on l'a eu. Et quand le patron, il a essayé de m'acheter en me nommant contre-dame pour contrôler le travail des filles, j'ai pas fait comme il aurait voulu. Au contraire, dès la moindre revendication, je me suis imposé comme délégué des ouvrières pour défendre les copines, bien entendu. Devenu responsable syndical, j'allais dans les congrès et les meetings. Un jour, j'interpelle le puissant délégué du syndicat des mineurs. Je lui dis, « Mon camarade, dans tes cahiers de revendications, il n'y a rien pour les ouvrières dans les mines. » Il me répond, « Il n'y a pas de femmes qui travaillent à la fosse. » Mais je me suis pas laissé démonter. T'oublies les trilleuses et toutes les femmes qui travaillent à la surface dans des conditions abominables. Voilà. Désormais, on tiendrait compte des femmes dans les discussions et moi, on m'écouterait comme une dirigeante. Des rumeaux s'engagent entre les idées du féminisme et le communisme. Et on a, ça dure pas longtemps, mais au début des années 20, il y a, de mon point de vue, une espèce de parenthèse enchantée pendant laquelle le Parti communiste Alors évidemment, parce que il est impératif, si on veut faire la révolution à un moment donné, d'avoir les femmes avec soi. Donc il y a une forme d'intérêt à la chose. N'empêche que le Parti communiste s'ouvre à la question des femmes, pose la question des femmes. D'ailleurs, dans les congrès, on a la question des femmes, ce qui est quand même une véritable révolution. Martha est désormais repérée par les cadres du Parti communiste, notamment par Maurice Thorez, le futur grand dirigeant qui lui confiera de nombreuses responsabilités. Elle est nommée responsable de la délégation des femmes syndicalistes et progressistes qui se rendra à Moscou pour le 10e anniversaire de la révolution d'octobre. La préfecture lui refuse son passeport. Alors, pour ce premier voyage en URSS, elle sort illégalement de France en se faisant passer pour une femme de chambre accompagnant la délégation. Martha visite des usines qui tournent à plein régime. Dans la campagne, la renaissance agricole semble réelle et de nombreux paysans sont désormais éduqués. Elle est enthousiasmée par l'existence des assurances maladie, des allocations chômage, des congés de maternité et par la durée de travail de 8 heures. Martha rencontre des femmes venues de tous les horizons, notamment Clara Zetkin, celle qui a initié en 1910 la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, le fameux 8 mars. Mais elle n'a pas réellement de contact avec les syndicats locaux et la population, encore moins avec les opposants au régime. Et les premiers procès politiques enclenchés par Staline ne semblent pas la faire douter. À son retour en France, Martha est clairement identifiée comme une meneuse communiste. Et dans le Nord, plus personne ne veut l'embaucher. Elle a 30 ans, elle survit grâce à la solidarité des camarades de la région. De la fin des années 20 au début des années 30, elle n'a de cesse d'organiser la lutte des ouvrières face au consortium des patrons du textile du Nord. En 1929, elle est la première femme élue au comité central du Parti communiste français. Pour les femmes, l'accès à l'espace public est un problème. L'idéal dont on rabâche un peu les oreilles aux oreilles des femmes, c'est la réalisation de soi dans la famille. Là où Martha détonne, si l'on peut dire, c'est que elle, comme d'autres, mais enfin minoritaires tout de même, elle a justement privilégié l'engagement public. Cet engagement public qui est généralement condamné pour les femmes, c'est pas votre place, c'est pas votre rôle, faites attention, rentrez à la maison, etc., etc. Et elle, c'est le contraire. Elle assume. Martha était une grande gueule. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la domine ou qu'on dirige sa vie. Ouais. Il n'y est connu aucune relation affective dans les années 20. Elle est surnommée la Vierge Rouge. Alors, est-ce seulement référence à Louise Michel ou est-ce référence aussi à un style de vie, à un certain rapport avec les hommes ? Le 24 octobre 1929, c'est le jeudi noir à New York. Un crash boursier sans précédent qui annonce une longue crise sociale qui s'étendra à toute l'Europe. La peur et la résignation prennent le pas sur la contestation. La répression politique devient très forte. Les militants communistes sont surveillés, parfois même harcelés par les autorités. Martha est arrêtée et condamnée à plusieurs reprises. Elle doit se résoudre à quitter le Nord pour quelque temps. Ses qualités d'agitatrice et son influence dans le milieu ouvrier lui valent d'être choisie pour l'école léniniste internationale. Elle part une seconde fois en URSS pour 16 mois. Cette école va leur donner, en gros, une formation générale d'histoire, d'économie politique, de philosophie, mais aussi leur donner un certain nombre de savoir-faire dans le militantisme, les pratiques. On sait qu'elle a été très active, elle a servi beaucoup d'oratrice dans les meetings, dans les usines. Elle défend la politique de l'international et la politique de l'URSS sans hésitation. Et je pense que pour elle, il n'y a pas de doute. Je ne suis pas certaine qu'elle a été très curieuse, c'est-à-dire qu'elle soit allée vers les informations. Et puis on est quand même dans une société qui est une société de surveillance, où les étrangers ne sont pas libres de se promener partout, et elle ne peut pas douter, dans la mesure où toute sa culture, et notamment sa culture politique, venait du Parti communiste. Elle n'avait aucune possibilité d'aller ailleurs, quoi. À Moscou, Martha passe du temps avec un autre militant qu'elle avait rencontré dans le Nord quelques mois auparavant, Louis Manguine, syndicaliste communiste de la sidérurgie, totalement engagé dans la cause lui aussi. C'est dans le cadre de cette vie moscovite en vase clos que Martha et Louis tombent amoureux. Il se marie en Russie à la fin de l'année 1932. Elle est une des rares femmes qui continue à militer sous son nom de jeune fille. Elle n'utilise pas, elle ne devient pas la femme d'eux, certainement pas. Et de fait, la vie en tant que épouse, enfin la vie du couple, passe totalement. Après l'engagement militant. Qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Alors, on a développé la lutte dans les usines, les chantiers, les bureaux, pour unir les chômeurs avec les ouvriers et pour empêcher le fascisme de s'organiser en France. Quand il y avait des manifestations fascistes, on y est allé à chaque fois pour les contredire. Avec Louis, on a organisé la grande marche des chômeurs, 240 km à pied entre Lille et Paris. On a eu l'autorisation, à condition qu'on marche par groupe de trois, pas plus. Les ouvriers des usines, les commerçants se rassemblaient pour nous regarder passer. Les paysans nous fournissaient des vivres. Il y a eu un enthousiasme. On est parti à 300. Arrivé à Paris, j'étais la seule femme avec des milliers d'hommes. On a fini par obtenir que les chômeurs soient payés le dimanche. La marche des chômeurs, ça aussi, c'est... Elle était en tête hein, dans cette marche. Et là, alors ça a été autorisé à condition que les chômeurs ne soient pas plus de 3 par groupe tous les 100 mètres. Ça me fait un peu sourire aujourd'hui. Un pacte d'unité d'action est signé entre les socialistes de la SFIO et le Parti communiste français. Rejoints par le Parti radical, ils forment en 1936 le Front populaire. Le gouvernement de Léon Blum est porteur d'un immense espoir de justice sociale. Les grèves de masse se propagent dans tout le pays pour accélérer les réformes. Les femmes prennent une grande part dans la lutte. Pour la première fois de l'histoire, s'ouvrent des négociations entre les syndicats ouvriers et le patronat. Encore une fois, j'étais la seule femme présente. Et c'est moi qui leur ai fait passer les fiches de paye des ouvrières du textile pour prouver qu'elles étaient si mal payées. La délégation patronale a dû reconnaître cette exploitation. Et les payes ont été fortement augmentées. Même si on était toujours payé moins que les hommes. Les taux du fascisme se resserrent en Europe. Le général Franco avance sur Madrid pour renverser le gouvernement républicain espagnol, avec la complicité d'Hitler et de Mussolini, qui l'aident militairement. La France, elle, n'interviendra pas. Mais le Parti communiste français organise la solidarité envers les populations civiles espagnoles, en envoyant des vivres et des armes, en mettant en place l'accueil d'enfants réfugiés dans des familles françaises. Il met aussi en place le passage des jeunes qui intègrent les brigades internationales, une armée de volontaires de toute l'Europe, prêts à résister contre Franco. Martha fait plusieurs voyages en Espagne pour prendre des contacts et accompagner les jeunes du nord de la France qui rejoignent les brigades internationales. Elle est enceinte de plusieurs mois. La guerre d'Espagne, ça m'évoque cette sorte de fanatisme finalement qui fait passer la cause et le combat pour la cause au-dessus de sa propre santé, mais comme plus importante que le bébé qu'elle va avoir. C'est pas très surprenant au regard de la conception qui est la sienne de l'engagement. On n'est pas un individu qui s'engage et qui va s'arrêter éventuellement au regard du risque à prendre. On est un individu qui s'engage Le risque à prendre doit être conscient. Et donc là, on est vraiment dans une forme absolue de l'engagement. Rassemblés pour permettre à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs familles de vivre. N'oubliez pas la phrase d'Aragon dans l'affiche du rouge. La mort n'éblouissait pas les yeux des partisans. Alors que le petit Louis naît au début du printemps 1937, la guerre civile espagnole se poursuit. Elle se terminera par la défaite des républicains et l'exode de 500 000 personnes vers la France. L'URSS dit ne pas vouloir s'engager dans un nouveau conflit impérialiste meurtrier pour les ouvriers. Staline pactise avec Hitler, mais probablement plus pour éviter une guerre qu'il n'est pas en mesure de mener pour le moment. Le Parti communiste est alors interdit en France. Les militants comme Martha et Louis, toujours fidèles aux décisions de l'URSS, sont stigmatisés, considérés comme des traîtres à la nation. Ça fait partie des sujets qu'elle aura plus tard de la peine à aborder franchement, parce que c'est une situation qui pour elle est pénible. D'ailleurs, dès que la situation change, elle va se jeter, non pas à corps perdu, mais fortement dans la résistance. Avant même que la résistance soit organisée, elle va participer dès l'été et l'automne 40 à des éléments de résistance, alors même que le parti dans son ensemble n'en est pas encore là. En 1939, le conflit entre la France et l'Allemagne semble inévitable. Le Parti communiste français fait finalement le choix de voter les crédits de guerre, aux côtés des autres forces politiques. Les militants comme Louis Manguine rejoignent leur régiment. Mais en quelques semaines, la France est à genoux devant Hitler. Le maréchal Pétain signe l'armistice et collabore avec l'ennemi. Louis Manguine est prisonnier en Allemagne. Martha, elle, est activement recherchée. Partie se cacher à Bruxelles, elle a dû confier leur fils, alors âgé de 2 ans, à une famille de camarades à Lille. Quand elle revient dans le Nord, c'est pour devenir l'un des piliers d'un vaste réseau féminin de résistance. J'ai commencé à vadrouiller dans toute la région, toujours armée, pour mobiliser les femmes dans le combat et préparer des sabotages. Un soir, avec un copain, on est allé saboter le réservoir d'essence d'un champ d'aviation. On avait les foies. Pendant une demi-heure, on est resté là, à observer la sentinelle, à se demander si on allait le descendre, oui ou non. Et finalement, on l'a descendu. On a fait ce qu'on avait à faire. Le 27 juillet 1940, Martha organise une réunion clandestine avec des délégués mineurs du Nord-Pas-de-Calais en vue de déclencher un grand mouvement de grève. La grève de 1941 rassemble 100 000 mineurs, alors que les femmes manifestent dans les corons pour mettre la pression à l'occupant. L'Allemagne perd 500 000 tonnes de charbon en moins de 10 jours. C'est la plus grande grève en Europe sous l'occupation. Le premier convoi de déportés qui quittera la France sera un convoi de mineurs engagés dans la lutte. En juillet 1941, l'URSS entre finalement en guerre contre l'Allemagne qui pénètre sur son territoire. La répression anticommuniste dans le Nord devient beaucoup plus féroce. À la citadelle de Lille, on fusille des dizaines d'otages, on représaille des attentats commis contre les forces allemandes. Le patronat français fournit la liste des militants à la police de Vichy et à l'armée allemande. Je sentais bien que le filet se resserrait autour de moi et qu'un jour ou l'autre, je finirais par être prise. 26 août 41, je suis passée en cachette voir mon fils. Et c'est là que j'ai été arrêtée, à 4 heures du matin. Oui, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Quand on est justement une femme militante et mère, il y a l'enfant, tout le temps. Donc, aller à la recherche de son enfant et vouloir le voir malgré la clandestinité, moi j'aurais fait pareil. Ah oui, Il faut aller chercher, il faut aller le voir, il faut aller l'apercevoir, le toucher un peu, enfin, si c'est possible, voilà. Donc elle s'est fait arrêter comme ça. Moi, je trouve que c'est la tragédie totale, quoi. Parce que, en fait, elle n'aurait pas dû aller. Le 28 mars 1942, Martha est la première Française déportée au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, au nord de Berlin. Elle devient le matricule 9948. J'avais à peine 11 ans au moment de notre arrestation. Mes frères, Robert n'avait que 9 ans et demi, et 3 ans et demi, le petit André. Et c'est là que nous avons rencontré pour la première fois Martha Desrumaux, qui y était déjà depuis quelques mois. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques, jamais je n'avais vu maman nue. On travaillait 9 heures par jour, mais les appels pouvaient durer plusieurs heures, dehors, debout, dans un froid glacial ou sous un soleil de plomb. Parfois, quand on voulait secourir l'une ou l'autre qui tombait, on s'apercevait qu'elle était morte. Il y avait déjà 1 an et demi que j'étais là quand les Françaises ont commencé à arriver. Je leur ai dit comment il fallait tenir le coup. Quand elles disaient « Je vais à l'hôpital, je suis malade », je leur disais « Faut pas aller à l'hôpital, vous n'êtes pas malade. » Parce qu'aller à l'hôpital, c'était le four crématoire. Elle avait son franc-parler et puis elle disait « C'est impossible !» Après, je m'en suis « C'est impossible !» 3 petits gosses comme ça dans un camp. Mais qu'ont-ils fait pour mériter cela? Et puis Martha aimait tout particulièrement mon frère Robert parce qu'il avait à peu près l'âge de son fils. Je me souviens qu'à Noël 43, lorsque nous sommes arrivés, eh bien, Martha s'était débrouillée pour nous procurer quelques biscuits, et c'était déjà énorme pour nous. Plus tard, je fabriquais des vêtements pour les soldats allemands. On faisait exprès de faire des coutures de mauvaise qualité et on mettait des poux dedans. Ils avaient trouvé le truc des poux. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est ça l'invention. En militant et en résistant, il faut inventer. Voilà. Elles avaient inventé ça. Ça lui a coûté cher. Un jour, je me suis blessé au doigt avec une machine. Les nazis avaient compris qu'on sabotait. Et ils savaient que j'étais une communiste partisane. Le médecin a ouvert mon doigt tout entier d'un seul coup avec un ciseau. Moi, la main de Martha, je l'ai dans ma tête. Et je la vois grande, une grande main. Une grande main toute blanche et une main qui est complètement déchirée par une lame qui l'a prise d'en bas jusqu'en haut. Et toute sa vie, elle a tenu effectivement, ce doigt ne marchait plus du tout et cette coupure-là, cette blessure-là. Pour me soigner, il y avait là une femme tchèque, une communiste comme moi. Elle m'a guéri et j'ai pu retourner au travail. Sinon, je serais morte. Au printemps 1945, sous l'égide de la Croix-Rouge danoise, les autorités allemandes acceptent l'échange de 300 déportés de Ravensbrück contre 300 officiers nazis. Martha ne veut pas partir et laisser ses camarades, mais les autres déportés vont la convaincre. La guerre n'est pas finie, toutes craignent de disparaître. Alors elle lui confie une mission, témoigner. Et elle rejoint Paris. Il y a tous les officiels qui l'attendent, hein, le général de Gaulle, membre du gouvernement, les mouvements de la résistance. Et c'est la première fois qu'il voit y arriver un camp, enfin des femmes sorties d'un camp. Il savait que c'était l'horreur, mais là ils sont sidérés de voir ces femmes, la plupart ne marchant plus, et de ces femmes en détresse. Une voix surgit. Je suis Martha Desrumaux. Les nazis ne m'ont pas eu. Je suis Martha Desrumaux. Les nazis ne m'ont pas eu. ce qui est magnifique, hein. Mais je crois qu'il y a chez elle une conscience d'être Martha Desrumaux et son nom est connu. Elle lance ce nom, je ne sais pas ce qu'elle pense à ce moment-là, j'en sais rien du tout, mais c'est comme un témoignage, je suis moi, je suis là. L'expérience de la déportation est indicible. Et à l'heure de la paix, qui a envie d'entendre le témoignage des survivants? La majorité d'entre eux se taira pendant longtemps. Mais Martha, pourtant atteinte du typhus, trouve la force de tenir la promesse faite aux camarades restés à Ravensbrück. Elle intervient devant 2500 cheminots et mineurs pour dénoncer le système concentrationnaire. Malheureusement, elle a été enfermée au camp de Ravensbrück durant 4 ans. Mon père était né, et puis bah, quand elle est revenue, il avait 8 ans, le gamin, quoi. Je veux dire, il avait 8 ans. Je ne me souviens pas que mon père a parlé de cette période. Il n'en a même jamais parlé. Est-ce qu'il a pu vivre? Mais je pense que oui, il a dû avoir un petit traumatisme quand même, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Martha, bah, comme son mari, Louis, bon, ils n'ont pas eu de vie de famille. C'est pas simple. Mais il faut des gens comme ça, malheureusement, pour faire avancer les choses. Tous ensemble d'inaugurer le collège Martha Desrumaux. Et vous voyez, Martha a dit, les nazis ne m'ont pas eu. Et moi, je dis quelque chose de semblable. Je suis encore là. On a voulu m'éliminer, mais je suis là. Toute sa vie, Martha refuse la résignation. Elle rassemble les femmes et les hommes afin qu'ils obtiennent de nouveaux droits, deviennent totalement des citoyens. Elle se bat contre la xénophobie et le racisme. Pour la liberté, l'égalité, la solidarité, la paix, la fraternité, pour l'émancipation de l'humanité. Mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour ces sœurs ont d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez faites pardonner. Si vous voulez être pardonné. Public Sénat, avec le soutien du magazine L'Express, vous présente Camus, l'icône de la révolte. Stockholm, 10 décembre 1957. Dans quelques minutes, devant la famille royale de Suède, sera remis le prix Nobel de littérature. L'Assemblée attend le lauréat, un des plus jeunes de l'histoire. Il n'a que 44 ans. Il s'appelle Albert Camus. Au commencement, il y a un gosse, ébloui par la Méditerranée, l'été sans fin. Quel chemin pour cet exilé, ce petit Français d'Algérie, né dans un quartier misérable, dans une famille qui ne sait ni lire ni écrire. Ce jour-là, il pense à sa maman, qui n'a jamais quitté l'Algérie. À Stockholm, sa femme Francine est à ses côtés, elle qui a si souvent été dans l'ombre d'autres femmes. Maman nous a dit, et vous savez, avec votre père, je regrette rien, parce que ça n'a jamais été médiocre. Derrière le smoking se cache un homme qui déteste les mondanités, les interviews, et n'est jamais aussi heureux que sur un stade de foot. Un homme généreux mais déterminé, qui ne renonce jamais à un instant de bonheur. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Camus est un des auteurs français les plus lus dans le monde. Chaque génération se l'approprie. Du groupe rock The Cure à Patti Smith, des auteurs de BD aux street artistes. Il est branché, il est cool, il est de son temps, il est de maintenant. Et ça, c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui vous donne le goût de la vie sans jamais vous mentir ni vous rassurer. Camus s'est révolté contre tous les totalitarismes. Et aujourd'hui, sa voix porte plus que jamais. À travers le monde, les défenseurs de la liberté le citent en modèle. Son histoire commence de l'autre côté de la Méditerranée. À cette époque, l'Algérie, c'est la France. Depuis 1830, des centaines de milliers d'immigrés venant de régions pauvres de France, d'Espagne et d'Italie sont venus sur cette terre d'Afrique s'inventer un avenir. La nuit du 7 novembre 1913, l'orage gronde. C'est dans cette ferme, sans sage-femme ni médecin, que le petit Albert voit le jour. Sa mère, Catherine Camus, est originaire d'une famille espagnole. Son père, Lucien, est ouvrier agricole. La terre est pauvre, le paludisme règne. Huit mois après la naissance d'Albert, la Première Guerre mondiale éclate. Lucien Camus traverse pour la première fois la Méditerranée. Il part se battre sur une terre froide et inconnue. Après 2 jours de combat, il prend un éclat d'obus dans la tête. Sur son lit d'hôpital, il écrit à sa femme « Je suis blessé, ce n'est rien, ton mari ». Il meurt une semaine plus tard. Camus n'oubliera jamais cette leçon de courage. Sans ressources, Catherine Camus s'installe avec Albert et son frère chez sa mère à Alger. Ils vivent rue de Lyon, dans le quartier très populaire de Bellecour. C'est des gens pauvres, quoi. C'est l'équivalent d'une cité. Et ben tout de suite, ça match avec un gamin qui vient de nos cités aujourd'hui et cette figure-là, qui grandit dans un environnement presque similaire. Et ben tout d'un coup, on se dit « Ok, c'est l'un des nôtres ». La mère d'Albert est femme de ménage. Presque sourde, elle est aussi douce qu'effacée. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a souffert de manière digne et silencieuse. C'est une femme d'ailleurs qui a été entourée par le silence et qui, en un sens, peut-être se définit par le silence, puisqu'elle parlait très peu. Elle avait l'habitude, lorsqu'elle rentrait du travail, de prendre sa chaise, d'aller sur le balcon, de s'asseoir et de contempler l'horizon, sans parler. Cette relation est très touchante parce qu'on voit bien tout l'amour que Camus a pour cette mère et avec qui il est difficile de parler. À Bellecour, les Camus vivent sans eau ni électricité. C'est la grand-mère qui gère le foyer, d'une main de fer. Chaque sou compte. Albert n'a qu'une tenue pour la ville, mais elle est toujours impeccable. Chez eux, il n'y a pas un livre. Et on ne parle pas de Dieu à la maison. La grand-mère dit d'un mort, en voilà un qui ne pètera plus. La vie quotidienne est dure, mais il n'y a jamais chez Camus ni ressentiment, ni misérabilisme. Il écrit « Seul moi et mes défauts sommes responsables, et non le monde où je suis né ». Il restera toujours nostalgique de cette jeunesse. Un monde où, pour Albert, les plus grands plaisirs ne coûtent rien. Les délices des bains de mer. Les sensations du sel, du sable sur la peau. Albert jouit de l'instant présent. C'est sa force et elle l'habitera toute sa vie. Camus, c'était une force de la nature, c'était une boule d'énergie. Il adorait courir, marcher, se promener, se baigner. Autre plaisir gratuit, les parties de foot avec les copains. Quand on joue, que l'on soit fils de femme de ménage ou de notaire, tous les enfants sont égaux. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Camus est le gardien. Il est concrètement gardien de but, mais dans son approche des choses, c'est quand même quelqu'un qui protège et qui est gardien de valeurs, gardien d'une vision du monde, finalement gardien d'humanité en fait. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. L'école de la République peut changer une vie. Lorsqu'il entre en primaire, le petit Albert n'a aucune instruction. C'est là qu'il rencontre un instituteur exceptionnel, Louis Germain, l'homme à qui il devra tout. Ce professeur décèle chez Albert des dons, une sensibilité unique. Monsieur Germain, c'est quelqu'un qui a ouvert Camus à la littérature et au monde. Et il a très vite remarqué que Albert n'était pas un enfant comme les autres, qu'il avait une curiosité, une intelligence, une finesse d'esprit qui était assez exceptionnelle pour son âge. Il se rend compte que cet enfant est particulier. Et il faut en faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc il pousse cet enfant, il va le chercher cet enfant. Le jeune Camus, poussé par M. Germain, est en tête de classe. À la remise des prix, Moustique, comme le surnomme son instituteur, à cause de sa petite taille, est le premier à monter sur l'estrade. Sa maman, Mémé d'Alger, n'est pas peu fière. Et Mémé, d'ailleurs, elle dit toujours « il a la tête ». Albert, il a la tête. Albert est un excellent élève. Pourtant, pour sa grand-mère, pas question qu'il poursuive des études secondaires. Il a l'âge de ramener un petit salaire. Mais pour M. Germain, il doit tenter le concours de boursier. L'instituteur vient deux fois rue de Lyon. Il insiste et finit par convaincre la grand-mère. Camus obtient la bourse et entre au lycée Bugeaud d'Alger. Le premier jour, Albert, comme ses camarades, doit remplir une fiche. Pour profession de la mère, il écrit « ménagère ». Son voisin le reprend. « Ta mère travaille chez les autres. Elle est domestique, pas ménagère. » Je pense qu'au lycée, il n'y avait pas beaucoup, peut-être pas tant que ça, d'enfants, de femmes de ménage. Et donc, il a dû se sentir... Il dit « j'ai eu honte et j'ai eu honte d'avoir honte ». Camus est influencé par Jean Grenier, son professeur de philosophie, avec qui il entretiendra une longue amitié. Écrivain, Grenier l'initie au grand penseur. Nietzsche, qui apprend à vivre sans Dieu. Nietzsche, dont Camus gardera toute sa vie, cette photo. Il se plonge aussi dans Kafka, Shakespeare, Dostoïevski, les stoïciens grecs. Très jeune, il sent qu'il porte une œuvre en lui. Albert dévore la vie. Mais un jour, en plein match de foot, il s'écroule. Il crache du sang. C'est la tuberculose. Camus, il n'a pas pris conscience de la mortalité en lisant un texte existentialiste, en lisant Kierkegaard. Il a pris conscience de la mortalité en le regardant en face, en se disant « je suis en train de mourir là. Je crache du sang, potentiellement je peux mourir. » Son poumon droit est gravement atteint. À l'époque, c'est une condamnation à mort. Il quitte Alger pour un séjour au sanatorium. Il sait que tout ça peut s'arrêter. Et comme il a conscience très tôt que tout ça peut s'arrêter, il veut vivre et il vit. Malgré la maladie, il obtient son diplôme universitaire de philosophie. Mais en 1935, à cause de la tuberculose, il doit renoncer au concours de l'agrégation. Camus est beau garçon, et il le sait. Il s'habille en dandy à la Bogart, ou en rebelle à la James Dean. Camus a du style. Camus est stylé. C'était un Don Juan. Il passe ses week-ends sur les plages, aux alentours d'Alger. Se gorge de mer et de soleil. Les filles sont belles, Albert fait le beau. Il est drôle, physique, fait chavirer les cœurs. Elle s'appelle Christiane, Yvonne, Simone. Il dit, pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup? Camus embrasse tout, amour, littérature, mais engagement politique aussi. Révolté par les inégalités, il veut agir. Dans ce milieu des années 30, le bouillonnement de l'histoire est intense. En Russie, les communistes promettent le bonheur pour tous. Une société sans classe. Sur les conseils de Jean Grenier, Camus s'engage au Parti communiste algérien en 1935. Sa motivation est claire, soutenir les opprimés algériens. Avec ses camarades, il fonde une troupe de théâtre. Écrit une pièce sur une révolte ouvrière en Espagne. Il soutient les républicains contre la dictature de Franco. Il dira « C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu. » Il se méfie déjà des appareils politiques, n'est pas dupe de la propagande rouge. Et il comprend vite que Moscou se fiche des conditions de vie des Algériens. Camus n'a pu rester dans cette atmosphère irrespirable qu'une année. C'est-à-dire, il n'a pu vivre dans un lieu où on essayait de penser à sa place que pendant une année. L'engagement communiste de Camus est une façon d'être vacciné contre le communisme, mais je crois que le vaccin était déjà inoculé. En 1937, il quitte le Parti communiste. Sa conscience politique s'affûte, sa plume aussi. Il publie « L'envers et l'endroit » en 1937. Une déclaration d'amour pudique à sa mère, il dira « Pardonne ton fils d'avoir fui le silence de ta vérité ». Il écrit aussi plusieurs nouvelles, « Noces »,« L'été ». Une ode à cette lumière qui répand les richesses de la simplicité. J'attends longtemps. Parfois, je trébuche, je perds la main, la réussite me fuit. Qu'importe, je suis seul alors. Je me réveille ainsi dans la nuit, et à demi endormi, je crois entendre un bruit de vague, la respiration des eaux. Réveillé tout à fait, je reconnais le vent dans les feuillages. Je n'ai pas trop de tout mon art pour cacher ma détresse ou l'habiller à la mode. Albert écrit, mais il doit gagner sa vie. Son ami, l'écrivain Pascal Piat, qui dirige le quotidien Alger Républicain, l'engage comme journaliste. Camus va y défendre un journalisme qui offre une voix à ceux qui n'en ont pas. Une série d'articles va marquer l'histoire de la presse. En juin 1939, il part plusieurs semaines en immersion dans la région de Kabylie. Il dénonce l'exploitation coloniale et réclame le droit de vote pour tous. C'est une description assez clinique de la situation des Kabyles, à savoir l'absence d'école, l'absence d'hôpitaux, les enfants et les parents qui meurent de faim. Il écrit « J'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens le contenu d'une poubelle. » Misère en Kabylie montre bien que s'il y a bien un occidental soucieux des douleurs qui lui sont épargnées, c'est lui. Et c'est même le premier à en parler. Mais l'aventure d'Alger Républicain tourne court. Interdit, le journal est rebaptisé « Le Soir Républicain ». Camus y publie un article sur la liberté de la presse. Il est censuré. À la veille de la guerre, il n'a plus ni travail ni avenir en Algérie. 1939. Les bruits de bottes résonnent partout dans le monde. En Italie, le Duce chauffe à blanc les foules. Le Japon occupe la Chine. Hitler lance son offensive surprise sur la Pologne. Dans ce vacarme tragique, commence une période incertaine pour Camus. Il n'est pas mobilisable à cause de sa tuberculose. Il part en France rejoindre Pascal Piat au journal Paris Soir. Puis il revient en Algérie en 1941. C'est à cette époque que Camus épouse Francine Faure. Francine, qu'il a connue à Oran, avant la guerre. Elle est professeure, musicienne. À Oran, sans salaire fixe, Albert vit chez ses beaux-parents. Le moral n'est pas bon. Il a 27 ans et se vit comme un raté. Mais un livre va subitement le projeter dans la lumière. L'étranger. Ses premières lignes deviendront cultes. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'étranger, c'est l'histoire d'un homme simple, Meursault. Il travaille, fait l'amour, se baigne, mais parle peu. Ne se plie pas aux codes sociaux. Il ne pleure pas le jour de l'enterrement de sa mère. Meursault, c'est quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Dans un monde où tout le monde ment, lui, il dit la vérité. Il dit tout le temps la vérité. Ce qu'il ressent, il le dit. Et d'une certaine manière, pour moi, Meursault, c'est le symbole absolu de l'honnêteté. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. Plus tard, dans le roman, Meursault tue un arabe sur la plage, sans raison ni regret. À son procès, les jurés le condamnent à mort davantage pour son apparente indifférence que pour le crime lui-même. Les jurés se rassurent en le diabolisant. C'est une scène qui décrit à la perfection la manière dont on a un besoin maladif de fabriquer des monstres. Mais dans un monde justement qui est un monde de juges, un monde où il faut qu'il y ait les coupables et les innocents, forcément il n'y a pas de place pour quelqu'un qui porte ce regard-là sur le monde. Camus envoie le manuscrit de l'étranger aux éditions Gallimard à Paris. Pascal Piat et André Malraux en font l'éloge. Emballé, Gallimard le publie en 1942. L'étranger deviendra l'un des romans les plus lus en France et à l'étranger. Camus et Meursault, un rebelle épris de vérité. À partir des années 60, les marginaux, les libertaires et les rockers vont s'identifier à lui. Il a inspiré un titre des Cure. Patti Smith lui a dédié une chanson. Elle dit « Quand je veux être meilleur, je pense à Camus ». Camus s'affiche sur les murs. On le tague. On le dessine. On se le grave sur la peau. Il est devenu une figure iconique et c'est dans le Paris des années 40 que le pied noir exilé a commencé à sortir de l'ombre. Depuis 1943, Camus est lecteur chez Gallimard à Paris. Son épouse, Francine, le rejoint un an plus tard. Il est très proche de Michel Gallimard, avec qui, sur ses images, il fait le pitre. Cette prestigieuse maison d'édition va devenir sa seconde famille. En zone occupée, les Français vivent sous le joug allemand. Certains collaborent, d'autres font le dos rond. Mais une petite minorité s'organise et résiste. Camus en fait partie. Il rejoint le journal clandestin Combat, un journal qui appelle à la résistance contre l'occupant. Y travailler, c'est risquer sa vie. Il y retrouve Pascal Piat. Pour tromper l'ennemi, il apparaît sous plusieurs identités. Camus, que l'on voit ici relire des articles, aime ce travail d'équipe, les bouclages nocturnes avec les typographes, les imprimeurs. Cette camaraderie, finalement, entre les hommes, cette camaraderie-là, c'est hyper important parce qu'il sait, lui, plus que les autres, qu'on n'existe qu'un individu, il n'existe pas seul comme ça, que c'est la connexion avec d'autres, qu'on fait partie d'un tout. C'est lui qui dit solitaire, mais solidaire. Cela s'appelle la camaraderie, je crois, qui a été une des grandes joies de ma vie. Très vite, il s'impose comme rédacteur en chef. Il dénonce la barbarie allemande en partant de faits concrets. Comme dans cet article. Pendant 3 heures, ils ont fusillé des Français. Il y décrit en détail l'exécution de 86 prisonniers par les nazis, les corps troués, les visages éclatés. Il publie aussi, durant la guerre, 4 lettres à un ami allemand imaginaire. Il lui explique que les nazis vont perdre la guerre parce qu'ils sont aveuglés par la haine. Camus n'est pas pour autant pacifiste. Si la violence est toujours inacceptable, elle est parfois inévitable. C'est un texte où Camus annonce à son interlocuteur qu'il va le tuer si nécessaire, puisqu'il est en guerre contre lui, et en même temps qu'il refuse de le déshumaniser. Il débarrasse la guerre de la haine. C'est un homme sans haine qui parle à son ami allemand. La vie nous oblige. La vie nous oblige à l'écoute. La vie nous oblige au dialogue. La vie nous oblige au partage, etc., etc. Les mains tendues entre deux belligérants sont rares dans notre histoire récente. L'être à un ami allemand est un appel à la réconciliation, au dialogue entre les peuples et les individus. Pour lire les textes de Camus sur la violence, en fait, parfois, on a l'impression qu'il a écrit sur notre époque. Lorsqu'il traite de la difficulté que l'on a à dialoguer, parfois, on a l'impression qu'il a connu les réseaux sociaux. Moi, je me souviens de ce texte où il explique le mécanisme de la polémique. Il dit qu'elle consiste à simplifier l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Et où il ajoute « Celui que j'insulte, je ne connais plus la couleur de son regard ». On a l'impression qu'il parle de Twitter. À la libération de Paris, Combat sort de la clandestinité. Camus en reste le rédacteur en chef. Il est l'une des plumes les plus aiguisées de cette après-guerre. Un des articles restera dans les annales. Nous sommes le 6 août 1945. Les Américains larguent une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Elle fera 240 000 morts. Camus est un des rares à anticiper la menace de l'apocalypse nucléaire. À l'époque, la grande majorité ne voit dans Hiroshima qu'un point final au conflit mondial. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans, au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires. Qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Après la libération, Albert et Francine décident de rester à Paris. L'étranger est un succès, plus question de retourner à Oran. En 1945, naissent 2 jumeaux, Jean et Catherine. Les Camus sont fauchés, mais cet après-guerre est joyeux. Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, c'est le lieu où les intellectuels, les artistes, la jeunesse refont le monde. On boit, on danse, on écoute du jazz. Bref, on revit. Dans les caves du Quartier Latin, Camus est copain avec Sartre, Beauvoir et tout le clan Gallimard. Il déjeune une fois par semaine avec Sartre, le pape de l'existentialisme, qui vient de publier « Lettres et le néant ». Les deux écrivains s'admirent. Camus a publié un article élogieux sur la nausée. Sartre, lui, écrit plus de 20 pages sur l'étranger. Camus admire l'incroyable machine intellectuelle de Sartre, mais l'homme aussi. Papa disait toujours, c'est le seul qui soit généreux. Enfin, c'était le seul paradin. Il mettait la main au portefeuille pour payer les pots. Avec papa, ils étaient deux. Hein. Ils étaient tous ronds comme des queues de pelle, hein. Faut bien dire. Papa, il paraît qu'il partait avec un citron et... complètement bourré, il traversait le pont, il s'arrêtait sous la tour Eiffel et il disait à maman, on va regarder sa culotte. Camus est un rigolard. Tous ceux qui l'ont connu dans l'intimité racontent qu'il plaisantait sans cesse. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Les gens qui l'ont côtoyé le savent, c'était un bon pote. On rigolait bien avec Camus. L'époque est à la déconnade. Un matin, Camus arrive au bureau avec un coquard sous ses lunettes. La veille, le grand écrivain Arthur Koestler, passablement imbibé, a voulu casser la gueule au philosophe Merleau-Ponty. Mais c'est Albert qui s'est pris le poing dans la figure. Une autre fois, à la terrasse du Flore, Camus voit Sartre qui baratine longuement une fille. Il lui demande « Mais pourquoi tu te donnes tant de mal ?» Sartre lui répond « Tu as vu, moi, la gueule que j'ai ?» Sartre admirait Camus pour deux choses. D'abord, Camus avait une meilleure descente que lui. Il tenait mieux l'alcool. Et puis, il avait plus de succès. Ou plus exactement, il n'avait pas besoin de déployer une sorte de génie vertigineux pour avoir du succès. Sartre, il est en mode Gainsbourg. Albert est naturellement séduisant et il soigne son look, son fameux style à la Bogart. Ses amis le savent. Quand une jolie femme passe, Camus n'est plus avec eux. Et les flirts s'enchaînent. Mais une femme va rester. La comédienne espagnole Maria Cazares. Camus la surnommera l'unique. Maria rencontrée au théâtre durant la guerre. Quand ils ne se voient pas, ils s'écrivent plusieurs lettres par jour. Il y a une lettre de Maria où elle lui dit, mais ils ne se sont pas vus depuis 3-4 jours, ce qui pour eux est une éternité. Et elle lui dit, mais je vais m'allonger, je ne vais plus bouger jusqu'à ce que tu reviennes. Et elle lui dit, mais sauras-tu me réveiller, sauras-tu être mon prince charmant ? C'est très familier avec Maria. C'est vraiment son âme sœur. Camus ne cache pas cette relation à Francine. Et bien sûr, les crises, les scènes sont nombreuses. Albert essaye de ménager sa femme, sans céder sur ses désirs. C'est un grand vivant qui assume toutes les petites passions qui peuvent aussi être les siennes. Sa grandeur est là. C'est un humain, c'est un homme normal. C'est-à-dire qu'il était aussi capable d'égoïsme. C'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est plus fort que ça. C'est un vivant. Un vivant pétri de paradoxes, de contradictions. Il peut être indifférent, lointain, orgueilleux et ne s'en est jamais caché. Papa savait ce qui valait. Et si on le faisait trop chier, d'accord, il pouvait être hautain, hein. Dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et privé de naturel, je m'ennuie moi-même. De toute façon, avec l'enfance qu'il avait eue, la mère qu'il avait, la pauvreté qu'il a trimballée quand même, les années de guerre qui ont été terrifiantes pour lui. Ben, il allait à l'essentiel, hein, lui. Et dans les soirées mondaines, c'est tout sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est mal élevé. Camus se sent souvent plus proche des milieux anarchistes. Il deviendra une égérie libertaire, un modèle de contestation. Le Parti communiste jouit d'un immense prestige. Le système stalinien étend son emprise à l'Europe de l'Est, à Cuba. Et beaucoup d'intellectuels le soutiennent, Sartre en tête. Camus, lui, est lucide. Il consacre plusieurs textes au danger d'une violence aveugle, au service d'un idéal incertain. Le premier est la pièce « Les Justes » qu'il met en scène en 1949. C'est l'histoire de révolutionnaires qui sont écartelés. Doivent-ils lancer une bombe pour tuer un tyran au risque de sacrifier ses enfants qui l'accompagnent ? Est-ce que parce qu'on vit une injustice, alors on est légitimé à commettre un meurtre ou l'assassinat? C'est toute cette réflexion-là. Et c'est important. Donc c'est important, la révolution, mais pas n'importe quelle révolution et pas à n'importe quel prix. Je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. Cette question posée dans Les Justes résonne aujourd'hui. Elle renvoie aux attentats qui tuent des innocents, comme au Nigeria. Il y a 2-3 ans, une tentative d'attentat, un attentat de Boko Haram. Il y a une des trois femmes qui, reconnaissant un enfant qui était le sien, dans le camp, a refusé de faire exploser sa ceinture. On est exactement dans un modèle camusien, exactement. Et tout l'espoir du monde est là. En 1951, Camus poursuit cette réflexion en publiant L'homme révolté. Dans cet essai, il vise la gauche marxiste qui idéalise la révolution, qui justifie les camps au nom d'un avenir radieux. Il oppose à Sartre les principes d'une gauche réformiste, non communiste. Il y a cette espèce de fantasme romantique autour de la révolution qui fait que beaucoup d'intellectuels se sont aveuglés. Là où Camus, qui pense non pas par grands principes ou de manière abstraite, mais qui pense de manière concrète au corps, hein, ce que ça veut dire, 20 millions de personnes dans les camps, lui n'a jamais eu cette illusion. C'est une des grandes leçons de Camus. Rien n'est plus confortable qu'une pensée radicale, une pensée extrême. Il n'y a pas plus bourgeois que l'extrémiste. Parce qu'il est bien à l'abri derrière le confort, qu'on écrit en un ou en deux mots, de ses propres opinions. Mais dénoncer les dérives révolutionnaires ne veut pas dire renoncer à l'action. Camus dit oui à la révolte quand elle dénonce une injustice, une oppression, sans chercher à détruire. Comme la résistance pacifique de Gandhi en Inde. Ou la marche pour les droits civiques de Martin Luther King aux États-Unis. Ce n'est pas une révolte qui nous sépare de l'autre. Mais c'est une révolte qui nous dit j'ai besoin de l'autre, je suis avec l'autre, nous sommes ensemble. Et il faut bien comprendre cette révolte-là. Révolte n'est pas révolution. La révolte, selon Camus, n'est pas un règlement de compte, mais un projet. Un combat incertain, sans fin, pour la justice et les libertés. Ce fut le cas en Chine, en 1989, à Tiananmen. En 2011, en Tunisie, le printemps arabe. En 2019, à Hong Kong. On a vu des manifestants brandir la formule camusienne « Je me révolte, donc nous sommes ». En 1952, la publication de L'homme révolté a provoqué une polémique mémorable. Sartre, directeur de la revue Les Temps modernes, considère cet essai comme de la morale pour Boy Scout. Il demande à son collaborateur, le philosophe Francis Janson, de porter le fer. L'homme révolté, écrit Janson, c'est d'abord un grand livre manqué. Camus, ulcéré, répond, mais directement à Sartre. Monsieur le directeur, on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Je commence à être fatigué de recevoir sans trêve leurs leçons d'efficacité de censeurs qui n'ont jamais placé leur fauteuil que dans le sens de l'histoire. Sartre réplique. Dites-moi, Camus, et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique ? Je n'ose vous recommander de lire L'être et le néant. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Les deux amis ne se reparleront plus. J'étais vers lui pour lui dire bonjour. Je lui ai dit, mais papa, t'es triste ? Il m'a regardé, il m'a dit, je suis seule. Et j'ai rien pu dire. Ouais, il était vachement seul. La brutalité des attaques blesse Camus. Il fuit Paris dès qu'il le peut. Direction la lumière du sud de la France, où il retrouve son ami, son frère, René Char. René Char, 1m90, joueur de rugby. Il casse des nez, se casse un doigt. C'est un résistant de la première heure. Camus le considère comme le plus grand poète contemporain. Il l'a édité chez Gallimard. Il aime cette force de la nature, ancrée dans son village du Luberon, qui ne fait aucun compromis. Char mesure le sentiment d'exclusion de Camus, mais il le rassure face aux critiques parisiennes. Il avait dit, non mais Albert, c'est des suppositoires. Et qu'est-ce que ça fait, un suppositoire ? Ça fond. Char en a vu d'autres. Il a mené des opérations contre les nazis. Il sait ce que ça fait que de se retrouver avec un homme décapité devant les yeux, que de commander sa mise à mort. Et c'est justement parce qu'il sait ça qu'il a trouvé que L'homme révolté était un texte magnifique. Si Camus est isolé en France, il est reconnu à l'étranger par les plus grandes figures démocratiques. Les dissidents Solzhenitsyn, Pasternak, Miloš, tous les trois prix Nobel de littérature. Et la philosophe Hannah Arendt qui a analysé les origines du totalitarisme. Hannah Arendt, elle écrit une lettre de 4 lignes à Camus en disant « Je veux vous rencontrer, j'aime votre homme révolté ». Elle a demandé à rencontrer Camus et elle dit « Mais parmi tout le lot, Sartre et les autres, il n'y en a qu'un seul qui vaut la peine, c'est Camus, lui, il a tout compris ». À partir de 1954, une autre tragédie va déchirer l'auteur de L'étranger. Un cycle infernal se met en place entre Français et nationalistes algériens. Des répressions féroces répondent aux attentats aveugles des indépendantistes du FLN. Les deux camps rivalisent d'atrocités. « Une partie de la gauche, avec Sartre, milite activement pour la décolonisation. La droite, elle, veut que l'Algérie reste française. Camus, le pied noir, est écartelé. Il dit « J'ai mal à l'Algérie comme j'ai mal aux poumons ». Il est totalement en prise avec ce pays. Il voit bien tous les dysfonctionnements. Il les a décrits suffisamment. Et en même temps, il ne se résout pas à ce que ce pays puisse être abandonné par une partie de sa population. Et qu'on dise à 1 million de personnes « Vous n'êtes pas chez vous c'est même pas rentrer chez vous, c'est partez de là, quoi. Dégagez de là ». Donc ça, évidemment, ça peut pas marcher, enfin, ça peut pas fonctionner. Camus se bat pour une réconciliation entre les deux communautés. Il prône un système qui donnerait plus de droits aux populations arabes. Mais il ne peut envisager l'idée d'indépendance pure et simple. Seulement Camus, lui, ne veut pas l'accepter. Il ne l'accepte pas, effectivement, c'est même pas une question politique, il n'accepte pas, c'est charnel pour lui. Il y a vraiment quelque chose de complètement irrationnel à ce moment-là chez Camus. Pour comprendre la position de Camus sur l'Algérie, c'est que lui a dû se dire, mais expliquer à ma mère qu'en fait un jour, elle va devoir partir parce qu'elle n'est pas chez elle, c'est quelque chose qui, de l'ordre de l'inconcevable. Mais je pense qu'il y a quand même une erreur politique, c'est de considérer que les choses peuvent être encore arrangées alors qu'il est trop tard. Elles auraient pu être arrangées dans les années 30, peut-être au début des années 40, mais en 54, 55, il est trop tard déjà. Horrifié par les milliers de morts, d'innocents sacrifiés de part et d'autre, il publie plusieurs articles dans l'Express. En janvier 1956, il lance à Alger un appel à la trêve civile. Il écrit « Chaque mort sépare un peu plus les deux populations. Demain, elles ne s'affronteront plus de part et d'autre d'un fossé, mais au-dessus d'une fosse commune. » Mais en défendant une approche nuancée, il passe pour traître, à droite comme à gauche. Il a tenu et il continue à tenir la position la plus difficile, qui est la position du juste milieu. L'incapacité camusienne à élire un camp aux dépens d'un autre devrait nous servir de guide pour comprendre ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, si chaque fois qu'il y a une catastrophe là-bas, les représentants des différentes communautés prenaient la parole pour défendre l'argumentaire de la communauté d'en face. Alors, il y a d'excellents arguments des deux côtés. Pour défendre l'argumentaire de la communauté d'en face, pédagogiquement, on ferait des progrès formidables. Camus, isolé, menacé, voit que politiquement, son message ne porte pas. À partir de ce moment, il va se taire. Et c'est dans cette période de souffrance que l'écrivain accède à une gloire inattendue. En octobre 1957, il apprend qu'il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Sur le coup, il répète en boucle « C'est Malraux qui aurait dû l'avoir ». Cet hommage le flatte, bien sûr, mais l'écrase aussi. Alors qu'il se sent jeune encore, riche des livres à venir, ce prix l'enterre vivant. Putain d'angoisse. Ce que ça a pu angoisser. Quelques jours après l'annonce, il rédige un mot à M. Germain, son instituteur d'Alger. Votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Mais ce qui est beau dans le courrier qu'il écrit à Monsieur Germain, c'est l'humilité. C'est-à-dire, ça reste Monsieur Germain. Ça reste son enseignant. S'il n'y a pas M. Germain, on n'a pas ce prix Nobel, on n'a pas cette grande figure intellectuelle. À l'époque, il fréquente la comédienne Catherine Sellers. Mais c'est à sa femme, Francine, qu'il propose de l'accompagner en Suède, recevoir son prix. Il dira « Elle a toujours été là dans les moments difficiles, je lui dois cela ». Solzhenitsyn dira plus tard que Camus a prononcé à Stockholm le plus beau discours du Nobel. Un discours qui n'a pas pris une ride. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Dans les jours qui suivent, un scandale éclate. Camus est accusé de n'avoir pas dit un mot sur les Algériens. Il répond. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela votre justice, je préfère ma mère. Certains journalistes tronquent cette phrase et lui font dire. Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère. Ce qui, bien sûr, n'a rien à voir. Cette fausse citation le fait passer pour indifférent au sort du peuple algérien, alors que toute sa vie démontre l'inverse. Tragédie algérienne, polémique, Camus a du mal à se remettre. Il n'arrive plus à écrire. Le calme, il va le retrouver en Grèce, avec Maria Cazares et les Gallimard. Avec l'argent du prix Nobel, il achète une petite maison en Provence, à Lourmarin, à côté de chez René Char, dans ce sud qui lui rappelle les terres algériennes. Il se lève tous les matins à l'aube pour marcher dans la nature. Il reprend un texte qu'il porte en lui depuis des années. Le premier homme. Le premier homme, c'est lui, lui qui a dû se construire seul, sans mémoire familiale, sans père. Fin 1959, Camus passe Noël en famille à Lourmarin. Avant de remonter à Paris, il écrit trois lettres. La première à Mette Ivers, une étudiante danoise pour laquelle il a eu un coup de foudre. Je t'attends plein de force et de passion, ma bien-aimée, ma jeune fille, mon amante chérie. La deuxième, il l'écrit à Catherine Sellers. À mardi, ma chérie, je t'embrasse déjà et te bénis du fond du cœur. La troisième lettre à Maria Cazares. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire ou de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Après le réveillon, il dépose sa famille dans un train pour Paris. Puis il prend la route avec son ami Michel Gallimard. Il roule vite. Le 4 janvier 1960, à 13h55, sur une ligne droite, la voiture s'écrase contre un arbre. Albert Camus est tué sur le coup. Dans les débris, on retrouvera sa sacoche. À l'intérieur, les feuillets d'un roman inachevé. Le premier homme. Il se termine par ces mots. Mourir sans révolte. Ce manuscrit est dédié à sa mère, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. Quand on annonce la mort de son fils à sa maman, elle ne pleure pas. Elle dit juste « c'est trop jeune ». Recevoir et donner, n'est-ce pas après tout le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement? Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle.

de leur couverture solidaire, de la sécurité sociale et de les jeter dans la misère des minima sociaux. Actuellement, il y a déjà 500 000 retraités qui sont minimum vieillesse, donc ils sont plus couverts par la solidarité ouvrière. Le projet du gouvernement, c'est demain que ça soit des millions de travailleurs et de retraités qui soient dépendants des minima sociaux. Et à la CGT, nous refusons cette casse-là de notre sécurité sociale. Cette casse-là, ça se nomme revenu universel d'activité, puisque le gouvernement y prévoit la fusion de tous les minima sociaux, donc l'allocation handicapée, le RSA, le minimum vieillesse, les APL. Il va tous les fusionner pour en faire un revenu universel d'activité qui sera d'un montant unilatéralement décidé par l'État, vraisemblablement proche du RSA. Et ce RUA-là, eh ben, il va fonctionner comme une assurance sociale socle d'État pour tous les travailleurs qui ne seront plus couverts par la sécurité sociale parce qu'elle sera privatisée. Le gouvernement, il a essayé d'opposer les travailleurs entre eux et de dire que le régime des retraites par points, c'est pour les travailleurs précaires. Or, on sait très bien que si la durée de cotisation, on l'allonge, et que si les pensions, elles sont calculées sur l'ensemble de la carrière, et ben tous ceux qui auront des carrières hachées et qui alterneront des périodes d'emploi et des périodes de chômage, c'est eux qui vont être touchés les premiers. Donc voilà, aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, le gouvernement, il doit répondre à l'urgence sociale. On a lancé la CGT et une intersyndicale, l'appel à la mobilisation le 5 décembre. Elle va se poursuivre. Il y a déjà plusieurs fédérations CGT qui appellent à des grèves reconductibles. Il y a deux prochaines dates de mobilisation, les 10 et 12 décembre prochains. On appelle l'ensemble des travailleurs privés d'emploi précaires à se mobiliser aux côtés des travailleurs en grève. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Quelques passages du livre qui est sorti récemment, « L'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire ». Alors, il y a l'introduction de Jean-Luc Mélenchon, que je lirai une prochaine fois. Et puis, voici une partie de la table des matières, disons. « Vivre libre et citoyen, démocratie et institutions, pardon. Réunir une assemblée constituante pour passer à la 6e République ». Abolir la monarchie présidentielle, oulala, balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. Ouh, ben dis donc, une république permettant l'intervention populaire, une république laïque, la révolution citoyenne dans les médias. Chapitre 2, sûreté et justice, la justice au nom du peuple, une politique de justice efficace, une politique antiterroriste rationnel, refonder une police républicaine, addiction et drogue, il faut changer de stratégie, protéger les enfants, on arrive à la page 39. Ensuite, s'adapter au système de la nature, planification écologique et organisation du pays, la bifurcation écologique pour une société de l'harmonie, l'organisation de l'État au service de la planification écologique. Les Outre-mer, avant-poste de la planification écologique, l'égalité des populations pour la démocratie et les services publics, les grands défis de la bifurcation écologique, investir pour lancer la bifurcation de notre économie, développer les transports publics écologiques, repenser la mobilité individuelle, organiser le 100% d'énergie renouvelable en 2050 et la rénovation énergétique, consommer autrement, une France zéro déchet, souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne, en finir avec la malbouffe. Chapitre 5, protection des biens communs, collectiviser les biens communs fondamentaux, pollution, désempoisonner le monde, l'eau, enjeu central pour l'humanité, le droit à l'eau dans les outre-mer, défendre la forêt, poumon de la planète, rompre avec la maltraitance animale, sauver l'écosystème et la biodiversité. Et il y en a encore quelques pages comme ça. Voilà. Alors j'en réserve pour les prochaines fois, bien sûr, pas tout d'un coup. Alors, revue de presse. La revue de presse. Eh bien, par exemple, le chiffre France, 2,3 kg. Les médicaments servent à produire de l'énergie. Bon. Cette solution de revalorisation a été imposée en 2009. La France interdit de redistribuer les produits pharmaceutiques inutilisés. Chaque Français achète 2,3 kg de médicaments par an. Cyclamède détruit 35% de ceux qui ne sont pas avalés, mais 65% lui échappent. Dans la benne à ordures, la collecte des déchets ménagers et assimilés représente 39 millions de tonnes en France. Celle de Cyclamède pèse 13 243 tonnes en 2020, soit 0,03% des déchets produits en France par les ménages. Moins de lignes sur les ordonnances se mesurent ainsi dans la benne à ordures. Voilà, vous croyez tout ça? Eh ben oui, c'est... Ouais. Alors, les médicaments, au lieu de les détruire, ce que l'on n'utilise pas, que l'on n'utilise plus, ou pas complètement, on pourrait peut-être en faire cadeau à certains pays d'Afrique qui demanderaient qu'à les recevoir soit très bon marché, soit gratuitement. Hein, ça leur permettrait à eux de faire avancer leurs problèmes de santé. Alors, la consommation de médicaments reste soutenue en France, même si elle tend à décroître depuis 15 ans. Médicaments inutilisés, 908 tonnes passent au feu. Voilà. Alors, ensuite, la mosquée de Beauvais fermée pour apologie du djihad. Alors, le djihad, what is it? What is that? Djihad. Eh bien, d'après le petit livre édité par Larousse, en 1984, il fait quand même 3000 pages à peu près. Alors, djihad, entre parenthèses, effort, c'est la traduction, effort, c'est la guerre sainte de défense que les musulmans peuvent mener contre les infidèles. Alors, tout dépend de la manière dont on pense les choses et dont on les fait. Et oui, ça peut être... Ça peut être terrible. Terrible. Mais bon, voilà, les religions, c'est les religions, hein, que voulez-vous. 25 avril au 8 mai, la COP 15 biodiversité en Chine, moins connue que la COP climat, elle est aussi cruciale. 21 objectifs devraient être adoptés, comme la conservation, la protection d'au moins 30% des terres et océans de la planète. Voilà. L'année 2021 devrait être une année cruciale pour le climat. Elle aura été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, un rapport alarmant des scientifiques du GIEC sur le réchauffement climatique et une conférence mondiale pour le climat en demi-teinte. Grand test, l'évolution de la population. L'exode rural se poursuit. Voilà. Alors, Nancy est d'une des rares villes du Grand Est à avoir gagné des habitants entre 2013 et 2019. De son côté, Metz stabilise sa population. Ouais, bon, bah oui. Hein. Cyberharcèlement, pas d'impunité, mais un combat judiciaire difficile. Les gens sont de plus en plus ont de plus en plus de facilité à faire du mal. Eh oui, notamment en utilisant Internet. Et puis les radios, et puis les journaux, et puis les revues, et puis voilà, et puis les télés, ah bah oui. Cardiologue suspendu, un médecin autorisé à exercer. C'est à Épinal, enfin Épinal, le Remiremont, hein, les deux. Les naissances et les décès de ces dernières semaines. Voilà, alors il y a une dizaine de naissances, et il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 décès. Ah, là, les décès sont à la montée à Remiremont, hein, Remiremont, secteur de Remiremont. Opposé au projet éolien du Chanot, le maire Nicolas Humbert s'explique. Alors, les explications. Eh bien, le coût du démantèlement, faillite des exploitants, recyclabilité et ou recommercialisation des composants, jusqu'au coût global qui peut s'avérer supérieur au montant provisionné par l'exploitant, le maire s'interroge sur le moyen terme et le démantèlement de ces structures dont la durée de vie nominale est de 20 ans. Mais les cas de démantèlement ou de remplacement, etc., bon voilà. Alors, le plus beau site panoramique du secteur aviron offrira un paysage à 360 degrés d'éoliennes, tout en insistant enfin sur ses convictions environnementales. Donc, on n'a pas de visibilité sur les implantations prévues sur le département. Les choix politiques énergétiques des années 2000 aboutissent à importer en 2021 de l'électricité produite par des centrales charbon en Allemagne. Nos choix sont importants pour l'avenir de nos enfants et de la planète. Oui, oui. Mais bon, il faudrait que les projets d'implantation de panneaux solaires, bon, pas tellement, mais d'éoliennes qui ont l'air de gêner parfois certaines populations, eh bien, soient exposés clairement à la population en question, en présentant bien les avantages et les inconvénients, et puis qu'ensuite la population se prononce, vote pour ou contre. Hein. Que ce ne soit pas toujours des grandes entreprises privées qui décident à la place des citoyens. Hein. Il faudrait que les gens voient quand même les avantages, parce qu'une commune qui a une ou plusieurs éoliennes sur son territoire, eh bien, elle a pas mal à y gagner quand même, dans tous les domaines. Ces responsables politiques qui prennent la plume. Alors, Darmanin, François Hollande, Adrien Quatennens, Bérangère Bonte, etc. Voilà. Alors, autre chose sur la même page, Abdeslam positif. Le procès du 13 novembre suspendu, point d'interrogation. Le procès des attentats du 13 novembre doit reprendre le 4 janvier à Paris, mais l'audience risque d'être suspendue dès sa réouverture. Le principal accusé, Salah Abdeslam, a été testé positif au Covid-19 le 27 décembre. Eh oui, vous voyez. la divine providence veille à tout. Et oui. Il y a comme une justice quand même. Nuit de folie en mairie, la justice saisie à Remiremont. Oui, il y a beaucoup de commentaires à faire. Beaucoup de commentaires. Oui, ça vaudrait le coup d'étudier la question en détail. Mmh. 2022, c'est la dernière station avant le désert, déclare Jean-Luc Mélenchon. Réfléchissez bien, je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble, lui redonner la puissance morale, intellectuelle, scientifique, culturelle. C'est la puissance dans laquelle la France peut exceller. Oh oui, je crois que c'est la dernière occasion avant longtemps. Hein ? Si on ne veut pas laisser un monde pourri à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, il est temps qu'on réagisse. Alors, Remiremont encore, le conseil municipal condamne l'acte du maire, mais reste solidaire. Oui. Il faudrait étudier la question un peu plus en détail. La Légion d'honneur pour Buzyn et Delfresti. La Légion d'honneur distingue en 2022, voilà quand même une question qui est grave là, 2022, plus de 500 personnalités, dont certaines impliquées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Tel le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, ainsi que d'autres personnalités, dont l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été promue chevalier de la Légion d'honneur samedi 1er janvier. Voilà. Hein, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut y faire d'être français, hein, et d'avoir voté pour... un homme comme ça. Ça sèche le linge à l'aide de la toute dernière technologie, disent deux dames en regardant un piqué avec un fil tendu et du linge qui sèche. C'est du solaire combiné à de l'éolien. Alors, origine des termes gauche-droite en politique. Cette distinction gauche-droite remonte à la période de la Révolution dans la salle du manège au Jardin des Tuileries à Paris. Le 28 août 1789, l'Assemblée constituante, créée à la suite des États généraux, organise un débat sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les discussions tournent notamment autour du droit de veto royal. Le roi a le pouvoir de bloquer les décisions de l'Assemblée. Pour faciliter le décompte des voix, le président de séance demande aux députés favorables au maintien du droit de veto royal absolu de se placer à sa droite, et aux opposants favorables à un droit de veto limité de se tenir à sa gauche. Ce jour-là, c'est la gauche, c'est-à-dire le tiers-État, qui gagne avec 673 voix contre 325 voix de la droite, composée de représentants issus de la noblesse et du clergé. Eh ben voilà, il faudrait mettre ça à jour, hein ? Eh oui, que la majorité soit majoritaire. Eh oui, que la majorité ne soit pas minoritaire. Que la majorité ne soit pas représentée par une minorité qui lui est défavorable. Ah ben, c'est, sinon, la démocratie à l'envers, c'est plus de la démocratie. Alors, maintenant, les actions en bourse. Alors, quelles sont les actions qui montent? Eh bien, Hermès, l'action vaut 1536 euros, et elle a augmenté de 74,62% dans le courant de l'année 2021. Alors, autre action, Thalès aussi. Thalès vaut 74,8. Thalès a baissé de 0,13%. Je me suis trompé de ligne. Alors, ST Micro Electronics, plus 43,23%. Valneva, plus 216,13%. Voilà. Ensuite, un apprenti, ça peut changer votre vie. En 2021, nous avons pu compter sur les entreprises pour embaucher un très grand nombre d'apprentis. Merci. Les aides exceptionnelles à l'apprentissage sont prolongées jusqu'au 30 juin 2022. 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans et 8 000 € pour un majeur. Ben voilà des gens qui seront contents, les apprentis, de savoir que leur patron a touché une bonne somme pour eux. Eh oui. En 2022, continuons à nous mobiliser. C'est une page de pub ou de propagande, comme on voudra, puisqu'il y a gouvernement bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité, inscrit en haut de la page. Une page complète. Ça doit valoir cher quand même, une page de publicité ou de propagande. Un jeune, une solution, .gouv.fr. Voilà. L'idéal, ça serait que toutes les entreprises embauchent des apprentis, mais n'embauchent que des apprentis. Eh oui, parce que les apprentis, c'est beaucoup plus malléable que les ouvriers. Eh oui, ils obéissent à tous les coups, eux, forcément. Et puis en plus, il n'y a pas besoin de les payer beaucoup. Et puis on peut les licencier quand on veut. À la fin de l'apprentissage, on les licencie, on embauche, on prend de nouveaux apprentis. Eh oui, comme ça, on arrive à baisser les coûts de production. Peut-être qu'on arrivera à être compétitif par rapport aux pays de l'Est, hein, ou les pays où on paye très peu la main d'œuvre, mais quand même un peu plus que les apprentis en France, certainement, non, quand même. EDF ne sait pas, il ne l'a pas identifié. Il ne donnera aucune précision lors de l'annonce de la reconnexion du réseau, du réacteur au réseau. Malgré des mois de travaux et des vérifications, les problèmes perdurent à la centrale nucléaire de Dampierre. EDF apparaît comme un piètre industriel qui enchaîne les erreurs alors qu'il est aux commandes d'un réacteur nucléaire. Voilà, le réacteur qui est en panne, qui aurait très bien pu tourner de façon assez dangereuse. Emmanuel Macron, ceux qui sont partisans du nucléaire, moi je dis, ils devraient faire une pétition pour demander l'autorisation d'habiter un logement, une maison, à moins d'un kilomètre du centrale nucléaire. Hein? Ah ben oui, quand même. Ah ben, si on est pour le nucléaire, on est pour le nucléaire. Ah oui, oui, il faut être pour à 100%. Oui, il faut montrer l'exemple. Il faut dire, voyez, moi j'ai pas peur du nucléaire, je vais habiter juste à côté. Emmanuel Macron écrit sur Twitter, la journée internationale des droits de l'homme, les droits universels, l'égalité entre les femmes et les hommes et les libertés fondamentales sont au cœur de mon action. C'est notre combat chaque jour. Médecin du Monde lui répond très sèchement, deux points ouvrant les guillemets, au-delà des postures, vous organisez le tri entre les sans-abri, vous harcelez les migrants à Calais et ailleurs, vous poursuivez les citoyens solidaires, vous vous apprêtez à ouvrir des brèches dans le droit d'asile, alors droit avec un D majuscule, un droit d'asile, difficile de célébrer ce jour. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit.